De la Bébélière à Mère Marie de Gonzague et à Thérèse, 29 juillet 1897. Jeudi soir, mère chérie et sœur bien-aimée, je vous prête ce vilain bonhomme pour quelques jours, puisque ma petite sœur aurait du plaisir à voir son frère. Je lui en envoie un fac-similé, en location, ce n'est pas une chose à garder que ce mannequin. Dimanche, je tâcherai de poser, pour vous faire plaisir, et je vous enverrai ma photographie en ecclésiastique. Je vous prierai de me renvoyer alors le militaire, celle-ci étant la seule qui reste à la maison, ma mère y tenant un peu d'ailleurs. Je l'envoie afin de faire plaisir à ma sœur chérie avant son départ pour la patrie. Merci du bonheur apporté par les lettres d'aujourd'hui. À bientôt des lettres de fils et frères, à toujours revoir, dans les cœurs de Jésus et M. Barthélemy Bélière aspirant missionnaire. Aujourd'hui aussi reçu autorisation de partir de Monseigneur l'évêque, et ordre de départ pour le noviciat, au 29 juillet, embarquement à Marseille, ce sera un nouveau bail, à cette Saint-Michel, bail contre Satan, avec son ennemi d'antan, qui ut Deus, qui est comme Dieu. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.